Chapitre 26. La goupille. Ophélie sentit son sang battre contre ses tympans, mais elle n'aurait su dire si c'était le fait d'un soulagement brutal ou, au contraire, d'une tension accrue. Malgré les circonstances, elle ne parvenait pas à faire abstraction de ce qui s'était passé sur le chemin de la muraille. Elle dut inspirer plusieurs fois pour s'adresser à Thorne d'une voix qui ne lui fit pas trop honte. « Vous tombez à point nommé ? Nous vous attendions tous. » Le sourire d'Ophélie mourut sur ses lèvres quand Thorne s'avança dans l'antichambre, répandant des flaques qu'un valet du clair de lune épongeait discrètement derrière lui, ses yeux étincelèrent comme deux ciels d'orage. « N'autorisez pas cette lecture, » ordonna-t-il à patience. « Je reprends l'enquête à mon compte. Quant à vous, » dit-il en se tournant vers Ophélie, « je vous relève de vos fonctions. Rentrez à l'hôtel, immédiatement. » Les lunettes d'Ophélie pâlirent sur son nez. Ce n'étaient pas exactement les renforts qu'elle avait espérés. « Vous ne pouvez pas me demander une telle chose. » Thorne se dressa de toute sa hauteur devant Ophélie, et ce n'était pas peu dire. Elle fut littéralement engloutie dans son ombre. Elle se hissa instinctivement sur la pointe des pieds pour continuer de soutenir le regard incandescent qu'il abaissait vers elle. « Je suis l'intendant et votre futur mari. Bien sûr que je le peux. »« Je dois faire cette lecture, que ça vous plaise ou non. » Sous le manteau trempé de pluie, la poitrine de Thorne se soulevait à un rythme irrégulier, mais il était difficile de savoir s'il était suffoqué par sa course effrénée à travers la citatielle ou par la fureur qui électrifiait son corps entier. Quelle épingle le piquait ! Ophélie pouvait concevoir qu'il fût contrarié, mais pourquoi semblait-il à ce point fâché contre elle ? « Je vous interdis de lire quoi que ce soit en rapport avec les disparitions. » articula Thorne entre ses dents. « Toutes ces affaires ne vous concernent en aucune façon, vous entendez ? Et vous taisez-vous » ajouta-t-il hargneusement en coupant d'un geste la mère d'Ophélie alors qu'elle ouvrait déjà la bouche pour donner son avis. « Rappelez-vous notre accord, vous ne vous mêlez plus de rien jusqu'au mariage, de rien !» Ophélie avait déjà vu sa mère se coincer les doigts dans une portière de fiacre, elle avait fait exactement la même tête qu'à cet instant. Le baron Melchior intervint d'une petite toux embarrassée. « Eh bien, techniquement, monsieur l'intendant, vous ne pouvez pas interdire à votre fiancé de mener à bien la mission qui lui a été confiée. C'est le seigneur Farouk en personne qu'il a nommé grande liseuse familiale, et j'ai été désigné pour être son adjoint. Comme cette charge n'a jamais été portée avant elle, personne encore n'en connaît les prérogatives. Notre ministre du protocole étudie la question, en ce moment même. » Thorne foudroya des yeux le baron Melchior, mais celui-ci lui répondit par un sourire qui souleva ses moustaches avant de pivoter vers patience dans un mouvement placide de montgolfière. « C'est à vous que revient la décision. Mademoiselle la grande liseuse familiale a-t-elle votre autorisation ou non ?» Tout le monde était à présent suspendu aux lèvres de patience. La jeune femme contempla longuement le fond vide de sa tasse, puis elle releva les yeux vers Thorne. « Vous avez été incapable de retrouver qui que ce soit jusqu'à présent. Et c'est de mon frère qu'il s'agit aujourd'hui. Ça me fait mal de l'admettre, mais s'il avait été là, il vous aurait confié cette lecture. » dit-elle en s'adressant cette fois à Ophélie. « Je vous donne donc ma permission. Qu'on lève le scellé. » Thorne considéra patience comme s'il luttait contre l'envie de lui enfoncer sa tasse en porcelaine à l'intérieur du gosier. Le garde des Sceaux balaya l'air d'un bref mouvement de main, le scellé, qui avait pourtant toutes les apparences d'un épais morceau de cire, s'effaça de la porte comme de la craie sur un tableau. « Merci de m'accorder votre confiance, » murmura Ophélie. Patience ouvrit elle-même la porte et la lumière de l'antichambre fendit les ténèbres comme une lame d'or. « Je ne vous l'accorde pas. Échouez à retrouver mon frère, et je ferai de votre vie un enfer. » Sur ces mots étonnamment flegmatiques, Patience tourna le bouton du commutateur électrique. Ophélie demeura sans voix en découvrant pour la première fois la chambre d'Archibald. Si on lui avait demandé d'imaginer l'intimité d'un homme tel que lui, elle se serait volontiers représentée une jungle de coussins, des instruments de plaisir, des œuvres libertines, bref, un désordre inavouable où flotterait en permanence le parfum de tous les interdits. Elle ne s'était certainement pas préparée à pénétrer dans une pièce vide. Il n'y avait en tout et pour tout qu'un vieux lit en fer forgé qui trônait au beau milieu du plancher. Des fissures lézardaient les murs et le plafond. La chambre d'Archibald exhibait une apparence négligée fidèle à son style vestimentaire. Même la température ambiante était glaciale par rapport à l'antichambre. Comme si l'illusion thermique n'opérait pas ici. « Je ne comprends pas, » dit Ophélie en tournant sur elle-même. « Où sont rangés les effets personnels d'Archibald ?»« Nulle part, mademoiselle la grande liseuse familiale, » déclara Philibert depuis le seuil de la porte. « Monsieur a toujours maintenu cet endroit en l'état. » « Tout de même, » soupira le baron Melchior, en posant sur les lieux son regard critique de grand couturier. « C'est un peu trop conceptuel à mon goût. Monsieur l'ambassadeur n'aurait-il pas pu passer commande d'une illusion ou deux ? Une petite touche de rococo, ça vous métamorphose à l'intérieur. » Tout le monde s'était à présent regroupé sur le seuil de la pièce, afin de ne pas interférer avec la perquisition. Ophélie avait l'impression de devoir faire ses preuves devant des jurés. La belle assurance qu'elle avait manifestée plus tôt lui fila entre les doigts. Une pièce sans objet ? Il n'aurait pas pu lui lancer un défi plus épineux. Elle enleva l'un de ses gants, bien déterminée à ne pas se décourager avant même d'avoir commencé. « Êtes-vous obligée de lire le lit ?» demanda Patience. « Ce serait indécent pour une fille de votre âge. » Son expression sévère était sans commune mesure avec celle qu'affichait Thorne. Il ne quittait plus Ophélie des yeux, comme si elle pouvait à tout instant commettre une bêtise irréparable. Sa mère, quant à elle, faisait glisser son regard, plissé de l'un à l'autre, comme si elle ne parvenait pas encore à décider lequel des deux l'avait le plus offensé. Curieusement, celui qui semblait espérer le plus de cette lecture était Philibert. « Je n'ai pas tellement le choix, » répondit enfin Ophélie. « Et le sol ?» demanda Patience. « Et les murs ? Ce ne doit pas être si différent de vos lectures habituelles, non ?»« Ça l'est. Ce sont des surfaces beaucoup trop vastes et beaucoup trop floues. Nous déteignons sur les objets en entrant en contact direct avec eux. On touche rarement les murs d'une pièce, et quand on marche sur le sol, on porte des souliers. Les semelles font de redoutables isolants. » Ophélie s'approcha du lit en fer forgé sans trop savoir par quel bout l'attaquer. Il ne semblait pas avoir été défait, seul le couvre-lit mité était légèrement affaissé en son centre, laissant suggérer qu'un corps s'était allongé dessus assez longtemps pour y imprimer sa forme. Il ne fallait pas être détective pour deviner qu'Archibald s'était simplement étendu là, sans même se glisser dans les draps. Ce qui intéressait Ophélie, c'était les derniers instants d'Archibald avant son enlèvement, pas les milliers de nuits qu'il avait passées sous les couvertures seul ou accompagné. Voilà qui réduisait donc davantage le champ d'investigation. Ophélie posa sa main à plat sur le couvre-lit et perçut un infime fourmillement du bout des doigts. Ce sentiment-là était encore trop lointain pour être définissable. Elle fit glisser lentement sa paume sur le tissu, telle une baguette de sourcier, à la recherche des zones les plus marquées par l'empreinte émotionnelle d'Archibald. Ophélie se sentit soudain envahie par l'ennui. Un ennui si profond qu'elle avait l'impression de s'enfoncer dans l'essence même de la mélancolie. Et plus Ophélie s'étourdissait de fête, plus elle s'enivrait de plaisir, plus elle défiait les convenances, plus fort était l'ennui. Ses pensées n'étaient pas les siennes, c'était celle d'Archibald. Elle aurait trouvé moins indécent d'assister à ses ébats amoureux. Découvrir ce qui se cachait derrière ses sourires insouciants lui donnait le sentiment d'être passée à côté de lui sans jamais se donner la peine de le connaître vraiment. Ophélie insista pourtant encore et encore, parcourant des doigts chaque centimètre du couvre-lit en espérant trouver une anomalie, un choc, une surprise, n'importe quoi qui aurait pu indiquer une perturbation dans l'ennui sans fond qui imprégnait chaque maille du tissu. Quand un frisson d'affolement lui remonta la colonne vertébrale et fit jaunir ses lunettes, Ophélie sut que, cette fois, l'émotion venait bien d'elle. Ce lit ne lui apprenait rien, strictement rien, sur la disparition d'Archibald. « Je sais que vous ne pouvez plus entrer en communication avec votre frère, dit Ophélie en se tournant à demi vers Patience. « Mais vous serait-il possible de le posséder ?»« J'ai vu une fois Archibald emprunter le corps d'une valkyrie. Peut-être que vous pourriez... »« Non !» la coupa Patience d'un ton catégorique. « Un membre de la toile ne peut en posséder un autre qu'avec son consentement éclairé. » « N'y voyez pas une question de principe. Si mon frère ne me livre pas le passage, il m'est physiquement impossible de prendre sa place. » « Doit-on en conclure que votre lecture est un échec ?» Ophélie regarda durement Thorne. Avec ses yeux de rapace, son manteau noir dégoulinant de pluie et son grand nez, dont l'ombre triangulaire lui avalait la moitié du visage, il évoquait un oiseau de mauvaise augure. Elle n'attendait pas de lui des encouragements, mais il aurait au moins pu lui épargner ce genre de réflexion. « Non, je n'ai pas terminé. » Ophélie se demanda si elle n'allait finalement pas étendre sa lecture aux draps, aux oreillers et aux matelas, lorsque le baron Melchior s'approcha d'elle. « Ah, ce n'est pas un effet de mon imagination. Il y a bien quelque chose ici qui accroche la lumière. » De l'embout doré de sa canne, il désigna sur le couvre-lit un anneau métallique qu'Ophélie fut mortifiée de ne pas avoir remarqué avant. Elle le saisit précautionneusement du bout des doigts, dans sa main encore gantée, afin de l'examiner de près. Qu'est-ce que c'était? Une bague? Un porte-clés? Une boucle d'oreille? Ophélie respira profondément pour faire taire l'ébullition de ses émotions. Cette lecture était probablement sa dernière chance de comprendre ce qui était arrivé à Archibald. Elle ne devait pas la laisser passer. Quand elle se sentit suffisamment concentrée, elle effleura l'anneau du doigt. Une image éclata dans sa tête comme une bulle de savon. L'espace d'un seul battement de cœur, Ophélie fut Archibald. Elle vit, ressentit et pensa ce qu'il avait vu, ressenti et pensé. Sablier, jubilation, danger. « Ce n'est pas un anneau, » murmura-t-elle pour elle-même plus que pour les autres. C'était une goupille de sablier. Ophélie voyait très clairement la lumière de la lampe de plafond se dédoubler à travers le verre de la fiole, comme si c'était elle qui se tenait là, allongée sur le lit. Le sablier bleu portait la plaque caractéristique « Manufacture familiale Hildegarde et compagnie ». Ophélie caressait pensivement sa goupille du pouce. Elle en avait enfin trouvé un. Ce sablier ressemblait en apparence à n'importe quel autre, à un détail près, une infime différence effroyablement vicieuse. Une mécanique complexe et minuscule, au niveau de la bascule, qui se remarquait à peine à l'œil nu. Ophélie la voyait, elle, parce qu'elle l'avait cherchée sur chaque sablier des semaines durant, et à présent qu'elle avait trouvé le piège, qu'était-elle censée en faire? Quand elle releva les yeux, Ophélie s'aperçut que tout le monde s'était rassemblé autour d'elle dans une crispation générale. « Alors ?» demanda Patience, qui pour la première fois commençait à perdre son sang-froid. « Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous vu ?»« Tenez-vous loin des illusions. »« Les sabliers bleus !» souffla Ophélie. « Ce sont eux qui ont emporté les disparus, et Archibald le savait.